Parmi nous demeure Stéphane, prêtre d'un village de Vienne, renommé pour son honnêteté et sa ferveur religieuse, parmi ceux de son ordre. C'est lui qui rapporte ces choses que moi, Pierre, abbé de Cluny, vais dire, et qu'il affirme être vraies, parce qu'il les avait vues. Un soldat du château Morat, France, fut blessé au combat et ramené à la maison. Sa dernière heure arrivée, Guido son évêque vint lui rendre visite, et par sollicitude pastorale, lui offrit de se confesser avant de mourir. Moi Stéphane, j'étais présent avec l'évêque. Il en prenait bon soin et me gardait près de lui pour que j'entende la confession. Le malade confessa en sincérité ses péchés à mesure que sa mémoire lui rappelait. Il reçut ensuite l'absolution des mains de l'évêque. Puis il mourut après quelques jours et fut enterré près d'une église de Mende qui relevait de Cluny. Peu de temps après, étant alors le long d'une forêt près du château Morat, j'entendis tout d'un coup derrière moi le vacarme d'une grande armée. Saisi de peur, j'entrai me cacher dans la forêt afin de n'être pas vu, ni de voir, hors de portée. Au bruit d'un grand nombre d'hommes armés qui approchaient, tout à coup, un soldat fut devant moi à dos de cheval, portant bouclier sur sa poitrine et lance à la main, qui me rappela l'avoir vu mort. J'eus peur et il s'en aperçut et me dit : « N'aie crainte. Je ne suis pas venu ici t'inspirer peur, mais qui m'en dé miséricorde. À cause de mes péchés, je souffre terriblement dans les tourments, surtout à cause de deux péchés que j'ai oublié de déclarer avec les autres. L'un est que j'ai profané l'espace sacré d'un cimetière, où des manants s'étaient réfugiés en toute sécurité. L'autre est d'avoir extorqué avec violence le bœuf d'un paysan. J'ai aussi imposé des taxes injustes sur une terre qui ne m'appartenait pas et forcé longtemps ses habitants à me payer. Je te demande d'aller voir mon frère Anselme afin qu'il restitue ce que j'ai prélevé injustement, et donne satisfaction à ceux qui ont été victimes de mes injustices. S'il le fait, je serai libéré des peines que j'endure. Mais comme je connais la dureté du cœur de mon frère, il n'acquiescera en rien de ce que tu lui demanderas. Que ce que je vais dire te servira de signe, afin que personne parmi vous ne doute de mes paroles. Avant de venir te voir, je suis aussi apparu à Guillaume, soldat que tu connais, dans sa maison au château de Morat. Il te répétera ce que je viens de te dire. Et sache que l'argent que tu as déposé de côté pour le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, tu le retrouveras tel qu'au retour. » Et il disparut aussitôt après. Au comble de la peur, perdant confiance de vie parce que j'avais parlé à un mort, je pris mes jambes au cou et déguerpis le plus vite possible. De retour à la maison, je défonçai le chambranle de la porte et trouvai l'argent dissimulé là qu'il dit. J'allai chez le soldat de qui il avait parlé, et j'appris de lui que tout ce qu'il avait dit était vrai. Je ne pus aller voir Anselme le frère du défunt, car il était absent depuis assez longtemps. Je partis en voyage pour une affaire domestique urgente, et débouchai dans une campagne proche de la route où une grande quantité de saules invitaient au répit. Je m'assis là me reposer un peu, et au bout de quelques minutes je vis le même soldat, debout devant moi avec ses mêmes armes. La panique s'empara de moi, il me dit ainsi : « Seigneur Stéphane, quel bel envoyé ai-je choisi pour aller parler à mon frère ? Je pensais que tu aurais compassion de ma peine, mais je vois que tu ne te soucies d'aucune façon de ce qui m'arrive. Ce n'est pas par indifférence que j'ai tardé, mais je n'ai pas trouvé le frère que tu m'as fait savoir. Et maintenant, pourvu que tu me laisses tranquille, j'irai le voir sans délai et lui ferai connaître ce que tu m'as dit. Je te supplie de disparaître, car mon cœur bat à tout rompre à cause de ta vision, n'ayant pas la force de parler longtemps avec toi. Tu n'as rien à craindre. Ce n'est pas pour te nuire que j'ai eu la permission de te parler, mais pour que tu aies pitié de moi, dit-il. Puis il disparut encore. N'osant pas différer d'un instant la mission qui me fut confiée, j'allai chez son frère Anselme accompagné du soldat Guillaume dont le défunt avait parlé, et je racontai en ordre tout ce que son frère défunt me dit. Mais il était homme du monde, il ne crut pas ce que je lui dis ou n'en fit aucun cas. Qu'ai-je à faire de l'âme de mon frère ? Il a eu toutes ces choses pendant qu'il vivait, Pourquoi n'a-t-il pas réparé ses injures lui-même? Pourquoi n'a-t-il pas fait satisfaction lui-même? C'est à lui d'y voir, moi je ne veux pas faire pénitence pour ses péchés. Nous l'avons alors quitté. Après quelques jours, seul assis dans ma maison, ruminant les choses que j'avais vues, d'un coup le défunt soldat se présentait devant moi, sans armes et sans cheval. De la part du Tout-Puissant Dieu, par tous ses saints, je t'adjure de partir sur le champ et de ne plus m'infliger de peur, quel esprit que tu sois, dis-je affolé. Parce que me voir te trouble à ce point, tu ne me verras plus dans ce siècle. Sache que c'est Dieu qui a voulu que je t'apparaisse une troisième fois, pour que j'accomplisse par toi ce que je ne peux accomplir par lui. Il y a plus de raison pour toi que lui de me venir en aide, car tu as été un père en l'esprit, lui un frère par la chair. Aussitôt qu'il disparut, je me mis en marche pour aller voir le paysan à qui il avait volé le bœuf, et lui restituer le prix, car il m'a dit qui il était et où il demeurait. Pour la deuxième commission, je ne pus rien faire car c'était au-delà de mes moyens. Mais un jour donné, un jour saint, je réunis un grand nombre de prêtres pour qu'ils offrent à Dieu le saint sacrifice. Je distribuais aussi des aumônes aux pauvres, et demandai à plusieurs prêtres et religieux de prier pour lui. Dès lors il ne reparut plus.